ancien d'un soir en ruine. Tulipe, ta vieux rose sans épine que je garde en coffre profond déjà perdu. Les dieux n'ont pas ni de l'étang de ta joie.